Et si on passait la journée au lit? On serait bien. On installerait un système de poulies qui rendrait accessible à tout moment le vin, le saucisson, le tuba, et même le chien à nos côtés serait le plus heureux des hommes. Le plus heureux, le bien heureux, c'est Alexandre, joué par Philippe Noiret dans le film d'Yves Robert, qui à la mort de sa femme tyrannique décide de ne plus bouger et de récupérer au lit. Alexandre! Oh! Alexandre! Alexandre! Oh! Alexandre! Qu'est-ce qu'il fout? Ça fait 3 jours. Ben mon gars, ça va pas? J'ai sommeil. Mais tu dors depuis 3 jours. Eh ben justement, c'est le moment, je récupère, je rattrape. Salut. Alexandre! Oh! Ah non, pas toi, hein? Tu vas pas rester là? Si. Dans ton lit? Oui. Ben, elle travaille. Je m'en fous. Et ta terre? Elle fait comme moi, elle se repose. T'es dingo? Je suis fatigué. Depuis 10 ans, je suis fatigué. Je récupère, je te dis. Salut. Bon, on le tire du lit. Attention, s'engage, je connais pas ma force. Je vais te foutre en rillette, moi. Mais Alexandre... J'ai plus d'ordre à savoir, tu m'attends? Je me les donne! Et je me suis donné l'ordre de dormir! Autant que j'en ai envie! Écoutez-moi ça! Et sans faire de bruit! Et fermez la porte, nom de Dieu! Bonjour Olivier Renaud. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Nanterre, spécialisée en philosophie ancienne et plus particulièrement de Platon. Et ce matin, vous êtes sorti de votre lit pour venir en parler. Bravo. Ça vous fait rêver le statut d'Alexandre le Bienheureux au lit avec tout ce qu'il veut à portée de main? Bon, le temps de récupérer, et puis ensuite, je pense que ça n'irait pas bien loin, non? Oui, c'est ça, en fait. C'est un fantasme de ceux qui sont fatigués, mais une fois qu'on est reposé, on a envie de ressortir et de venir. Eh ben, en tout cas, en l'occurrence, en studio, bienvenue. Le lit. C'est le sujet de cette semaine, c'est le sujet de cette émission, le lit chez Platon. Et alors on s'est rendu compte en préparant les choses que le lit chez Platon, alors déjà il a tous les statuts, c'est à la fois une image, une métaphore, une idée, une forme, un objet, une représentation, si bien que l'essentiel de la philosophie platonicienne peut être expliqué à partir de l'idée du lit, non ? C'est un bon point de départ, cette forme, en fait, cette idée du lit, cette forme intelligible du lit, qui est l'objet d'un argument assez célèbre dans... à la fin de la République, au livre 10, lorsqu'il s'agit de critiquer les poètes, où effectivement Platon prend cet exemple un peu étrange de la forme intelligible du lit et des tables, pour s'intéresser ensuite exclusivement à la forme du lit, et c'est vrai que ça constitue une porte d'entrée très intéressante pour essayer de comprendre l'articulation de ce que c'est que la philosophie, chercher comment fonctionnent les choses, comment elles sont constituées, et aussi quels sont leurs effets psychologiques sur nous. Et on remarquera que vous avez dit, et moi aussi d'ailleurs, idée du lit en parlant de Platon. Ça veut dire que chez Platon, le lit, c'est pas le lit d'Alexandre justement sur lequel on se couche et dans lequel on s'emmitoufle entre les draps, mais une idée? C'est une idée, c'est une forme, c'est un concept. On en reparlera, j'imagine, tout au long de cette émission. Parce que imaginez qu'il existe une idée éternelle, invisible, incréée du lit, c'est quelque chose qui heurte un peu notre imagination, puisqu'on a l'habitude plutôt d'avoir usage du lit, de s'y coucher, de s'y allonger, d'y lire. En revanche, d'imaginer qu'il puisse y avoir une forme intelligible du lit, là par contre ça commence à poser un vrai problème. Bon, c'est un problème ontologique. De quoi est peuplé en fait notre univers intellectuel, ça c'est une question importante chez Platon, et prendre cet exemple d'un objet technique, un objet artisanal, évidemment c'est pas anodin. Oui. Ça veut dire que une partie de ce qu'est la philosophie s'explique par le fait de considérer non pas la chose qu'on a devant les yeux, mais son idée, pour Platon. Oui, ça c'est... En rentrant dans le dur directement, hein, Olivier Renaud, on a fini les préliminaires, on peut y aller. Tout à fait. Alors, s'il faut rentrer dans le vif du sujet, considérer la connaissance, c'est essayer de poser, au moins par hypothèse, c'est ce qu'a toujours fait Socrate depuis les premiers dialogues, que pour chacune des choses dont on dit qu'elles sont telles ou telles, il faut poser ce qu'on appelle une forme, eidos, ou une idée, si vous voulez. C'est synonyme, forme et idée ? C'est synonyme, oui. Imaginons pour le moment, enfin posons pour oui. le moment que c'est synonyme, forme et idée. Il s'agit de poser une configuration telle, minimale, qu'elle nous permette d'envisager que toutes les instances en fait de cette forme, dans le réel, sensible, on puisse le reconnaître comme tel. Et donc, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse heuristique, on pourrait appeler ça comme ça, l'hypothèse des formes intelligibles qui permet d'expliquer quelque chose, qui permet d'en trouver, ou en tout cas d'en chercher la définition correcte, indépendamment de tout ce qui peut être relatif concernant tel ou tel objet. Ça peut être un lit en bois, ça peut être un lit en mousse, ça peut être un lit en cuir. Il s'agit, dans tous les cas, d'arriver à ces propriétés essentielles telles que ce que je nomme en face de moi, c'est bien un lit et pas autre chose, et c'est pas ça. Une table. C'est qu'en fait, face à la diversité des lits, puisqu'on parle du lit existant sur Terre, petit, grand, superposé, à même le sol, quelle que soit la couleur, la texture, l'odeur ou que sais-je encore, qu'est-ce qui fait que nous nous accordons pour appeler tel objet un lit ? Nous sommes obligés de postuler l'existence d'une idée du lit qui se trouverait présente dans ce que nous regardons en tant qu'objet lit. Oui, et il y a probablement plusieurs façons, en fait, enfin plusieurs niveaux d'envisager ce qu'est un lit. Alors là, on prend une forme, on va dire, facile. Le premier problème, vous l'avez évoqué, c'est celui de je suis en face d'une diversité de lits, en forme, couleur, matière, tout ce que vous voulez, et pourtant j'en ai une définition telle que chacune de ces instances est appelée un lit. Alors, il y a un premier niveau qui est une configuration minimale. Exactement comme vous lisez un mode d'emploi, si vous êtes un charpentier ou un menuisier, plus précisément un menuisier pour fabriquer un lit, vous allez avoir un ensemble de spécifications techniques telles que il est nécessaire de les respecter pour avoir... je ne sais pas moi, une forme plane qui vous permette de vous allonger et de vous reposer. Vous avez un second niveau qui est plutôt celui de la fonction. À quoi ça sert ? Et a priori, je peux prendre une botte de foin et m'y allonger et cela pourra constituer, au moins pour un temps, un lit. Et puis, peut-être qu'il y a un autre niveau qui n'est pas encore celui de la fonction, mais qui est celui de ce qu'on pourrait appeler l'essence du lit. Là, peut-être c'est plus difficile à imaginer, et pour cause, on va le voir, hein, il est possible qu'il n'existe pas tout à fait de forme intelligible des objets techniques, mais il faut qu'on imagine un lit éternel, immuable, qui est donc l'idée intelligible ou la forme, et qui peuple ce lieu intelligible dont on parle souvent chez Platon, et qui est, si vous voulez, le référent ultime qui me permet de nommer correctement un lit, de nommer et de reconnaître correctement un lit. Et comment sommes-nous sûrs que nous avons en partage la même idée du lit ? Peut-être que quand je pense à l'idée de lit, je vois quelque chose il se passe quelque chose dans ma tête qui diffère de la vôtre. Alors, il y a là encore pas mal de manières, en fait, de parvenir à ce qu'on pourrait appeler un consensus sur l'idée du lit. D'abord, il y a le nom. Il y a le nom, onoma, on utilise les mêmes mots et au sein même du langage, il faut trouver quelque chose qui fait que ceci est un lit et pas une table, de la même manière qu'à la fin du Phèdre, Platon nous dit que ceci est un cheval et non pas un âne, par exemple. Donc ça, c'est un premier niveau. Ensuite, le second niveau, c'est qu'il faut se mettre d'accord, encore une fois, sur les fonctions. À quoi ça sert ? À quoi ça sert dans la vie de tous les jours ? Comment on va bien en user ? Et on peut imaginer tout à fait qu'il y a des mauvais usages du lit, hein, on pourra en parler après. Et puis ensuite, il y a le fait que je vais peut-être rencontrer des types de savoirs qui sont plus propres à m'indiquer ce qu'est un lit. Donc un menuisier et éventuellement peut-être un poète ou un Ulysse à la fin de l'Odyssée ou encore un philosophe, là aussi, la question est ouverte. C'est au livre 10 de la République que Socrate s'interroge sur, enfin convoque l'exemple du lit dans le cadre d'une argumentation qui est plus large, puisqu'il s'agit de critiquer la production artistique, les arts dits mimétiques. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant, Lévi Renaud. D'abord, on va entendre le texte dans lequel il va distinguer trois façons de parler du lit, et on pourra les comprendre, puisque vous nous les avez bien énoncées. Il y a l'idée du lit, il y a l'objet lit construit par le menuisier, et puis il y a aussi la représentation artistique du lit. Pensez au lit de Van Gogh, par exemple, dans sa chambre à Arles, qui évidemment n'existait pas à l'époque, mais qui fonctionne très bien. Voici le texte. Nous avons l'habitude de poser en quelque sorte une forme unique, chaque fois, pour chaque ensemble de choses multiples, auxquelles nous attribuons le même nom. Prenons donc, si tu le veux bien, l'un de ces ensembles multiples. Par exemple, si tu es d'accord, il existe de nombreux lits et de nombreuses tables. Mais les formes relatives à ces meubles, il n'y en a que deux. Une forme de lit et une forme de table. N'avons-nous pas l'habitude de dire que chacun des artisans qui fabriquent ces meubles réalise l'un les lits, l'autre les tables dont nous nous servons, le regard tourné en direction de la forme, et ainsi pour tous les autres objets? Car pour ce qui est de la forme elle-même, sûrement aucun des artisans ne la fabrique. Comment le pourrait-il en effet? Au nombre de ces artisans, il faut compter aussi le peintre. Tu vas dire, je pense, que ce qu'il produit n'est pas véritable. Et pourtant, le peintre, d'une certaine manière, produit lui aussi un lit. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et nous parlons du lit cette semaine aujourd'hui, du lit selon Platon, en compagnie d'Olivier Renaud. Le texte que l'on vient d'entendre distingue donc ces trois façons d'aborder le lit. La forme unique, l'idée de lit, le lit fabriqué par l'artisan et le lit peint par le peintre. C'est le dernier moment du texte qu'on a entendu et c'est celui qui va être condamné par Platon. Déjà, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'à ce moment de la République, Socrate, à travers la bouche de Platon, la plume de Platon, condamne-t-il la production artistique dans la cité? Alors, au livre 10 de la République, c'est donc le dernier livre de la République de Platon, Socrate revient sur ce qu'il a déjà commencé à dénoncer, en fait, dès le livre 2, sur l'éducation préliminaire ou l'éducation aussi par la poésie. Et il s'agit de dénoncer, en fait, les effets pervers, les effets psychologiques pervers d'une imitation qui est mal réglée ou mal régentée, on va dire, par les législateurs. Oui, parce que Quelle est la place, en fait, des poètes dans la cité? C'est ça le problème. La réflexion de la République, c'est qu'elle est, enfin, réfléchissons à une cité idéale. À quoi ressemblerait une cité idéale? Exactement. Et dans cette cité idéale, la question se pose de savoir si on va conserver un poète comme Homère, dont on dit souvent et dont Platon nous redit dans le livre 10 qu'il est le plus grand éducateur de la Grèce. On pourra essayer d'expliquer pourquoi. Donc c'est le plus grand éducateur de la Grèce, et contre cette idée, Platon va développer au livre 10 de la République un argument qu'on appelle psychologique et qui vise à dénoncer en fait les effets sur l'âme de tous les individus, philosophes y compris, l'effet de l'imitation sur notre âme. Et cet effet délétère de l'imitation, quel est-il? Ben c'est très simple, c'est que l'imitation nous pousse à baisser la garde de notre raison par rapport à une partie de notre âme qui est plus tendue vers le plaisir, vers les larmes, vers l'épanchement. Et baisser ainsi la garde, c'est risquer de mettre en péril le fondement rationnel de la cité idéale telle qu'elle a été mise en place dans tous les livres centraux. Donc, la conclusion à laquelle va arriver Platon, à la fin de cet argument psychologique, c'est qu'il faut mettre au ban les poètes de la cité. Ce qui est une mesure radicale. Ce qui est une mesure, on ne peut plus radicale. C'est-à-dire que autant Socrate va dire qu'il ne réfute pas en fait l'idée que bien évidemment écouter Homère est tout à fait plaisant, et bien évidemment Homère est un poète absolument magnifique et que Platon connaît par cœur et qu'il cite sans arrêt dans ses dialogues. Simplement, il en faudra un usage extrêmement réglé et donc supprimer certaines parties de l'épopée. C'est ce qu'on a vu notamment dans les livres 2 et 3 de la République. Et essayer en fait de montrer quel pourrait être un bon usage s'il y en a de l'imitation. Et c'est à la faveur en fait de cette idée de la condamnation de l'imitation poétique que Platon revient sur ce, à travers cet exemple un petit peu étrange de l'idée du lit, enfin ou les trois lits comme on les appelle, l'idée du lit, le lit de l'artisan, c'est-à-dire tous les lits particuliers et les lits comme vous l'avez dit peints ou imités. Vous dites imitation et pas représentation. Alors, il s'agit du concept grec de mimesis, qu'on peut traduire autant par représentation que par imitation. C'est vrai qu'on j'ai tendance à considérer qu'il s'agit d'une imitation. Il faut se représenter en fait l'imitation d'abord comme une imitation vocale. C'est ainsi qu'elle a été présentée au début de la République, au livre 2. C'est tous ces acteurs qui imitent le bruit de la mer et le hennissement des chevaux. Et notamment dans les scènes tragiques, hein, dans les spectacles que les Athéniens ont l'habitude de voir. Donc c'est une imitation en fait où le corps humain et la voix humaine est mise au service de quelque chose comme ce que Platon considère comme un bruit. Et ce concept de mimesis, en fait, il est appliqué à l'ensemble de la réalité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dans la philosophie de Platon qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il comprend que différents niveaux de la réalité de l'illusion, l'oxymore, mais disons le pouvoir de l'illusion, la réalité un peu évanescente des objets sensibles et la réalité, cette fois vraie, des formes intelligibles, tout ceci est compris à travers des rapports mutuels d'imitation les uns aux autres. Ce qu'on voit en République 10, c'est que il faut qu'on pose une forme intelligible de chaque chose. Les réalités sensibles qu'on a l'habitude de nous appeler vraies ou réelles, elles ne sont que des imitations des formes intelligibles. Et encore, à rebours, les images que nous voyons, que ce soit des illusions, des peintures ou des spectacles, sont encore une fois des imitations d'imitations de la forme intelligible. Le lit, tel qu'il est peint par un peintre, est éloigné de 3 degrés, comme dit Socrate, de la réalité vraie qu'est le lit. Qui est l'idée du lit. Parce que ça veut dire que ce qu'on tient pour un vrai lit, le lit dans lequel nous dormons, n'est en fait pour Platon qu'une imitation de l'idée de lit. Donc ce que l'on tient comme étant la réalité et la vérité n'est qu'une copie, pâle ou pas d'ailleurs, de ce que Platon lui-même tient pour le vrai et le réel, qui est du côté de l'idée. Donc c'est pas quelque chose qui est observable. Oui. À partir du moment où on parle d'une connaissance, ouais, forcément, on parle d'une tension vers quelque chose d'intelligible et qui est invisible et qui ne pourra pas provenir ni de perception sensible, ni même d'un usage sensible. Alors, évidemment, quand on prend l'exemple du lit, c'est un exemple tout à fait tangent parce que un lit, c'est un objet, ordinaire dont on se sert avant tout. En tout cas, c'est la manière dont moi je le conçois, davantage qu'une œuvre d'art. D'ailleurs, on peut imaginer, bon, vous avez cité Van Gogh, mais qu'est-ce que ça pourrait être qu'un lit peint à l'époque de Platon? Alors, en fait, en réalité, on a pas mal d'exemples hein, d'images de lits sur les vases grecs du 5e siècle, et ce sont des lits dans un contexte qu'on appelle sympotique, c'est les lits du banquet. C'est pas les lits où on dort, c'est plutôt les lits où on fait la fête. On va y venir. Ouais. C'est le programme de ce matin aussi. Et c'est vrai que on a l'impression que l'exemple est d'autant plus étonnant en fait au livre 10 que ce qu'on tient pour vrai dans le lit, c'est sa fonction, c'est son usage. Bon, et pourtant Platon ne cesse de dire que pour que on sache exactement ce que c'est qu'un usage, eh ben il faut en avoir une connaissance. Ça veut dire que même si on dort bien dans un lit, et si on le fait bien, et a priori même si j'en ai pas la connaissance de ce que c'est qu'un lit, Eh bien, malgré tout, le bon usage d'un lit dépend ultimement d'une connaissance. Donc, tout ce que nous vivons indépendamment du régime de la connaissance relève de l'illusion pour Platon. Celui qui ne fait pas l'effort de connaissance, celui qui ne sort pas de la caverne, pour reprendre une autre image qu'il utilise, reste dans un monde de faux-semblants, d'illusions que l'on tient pour vraies. De faux-semblants, peut-être c'est un peu radical. En fait, on est dans le monde plutôt de l'opinion. Si vous êtes fasciné par les spectacles, là oui, effectivement, vous êtes dans le règne de l'illusion et vous vous laissez aller à quelque chose qui n'a rien de l'ordre de la connaissance, qui relève de la connaissance. En revanche, bon, si vous menez une vie simple, ordinaire, on peut dire que vous vivez dans le régime qui est celui de l'opinion. Et cette opinion, elle peut être tantôt fausse, tantôt vraie. Ou droite, comme le dirait plutôt Socrate, une opinion droite. Alors, c'est une opinion droite par coïncidence. C'est-à-dire que, bon, il est probable que Alexandre le Bienheureux, dont vous avez cité l'extrait au début de l'émission, vive finalement dans un régime qui est celui de l'opinion. Et ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Donc, en tout cas, c'est uniquement par coïncidence qu'on en fait un usage de ce lit et de l'usage que lui veut en faire, c'est-à-dire se reposer jusqu'à la fin de ses jours. Mais Socrate vous dirait que cette opinion droite, elle n'a rien de la connaissance à partir du moment où vous ne trouvez pas chez l'agent qui s'en sert une forme de tension. Une sorte de désir vers à quoi ça sert ce que nous faisons. Ce qui est la philosophie. Même dormir. Ce qui est le propre de la philosophie. Mais encore juste un point avant qu'on avance, Olivier Renaud, sur cette condamnation des arts. Socrate et Platon sont trop intelligents pour tenir la limitation artistique comme étant le règne du régime du faux. Ce que l'on ressent quand on lit Homère, quand on va au spectacle, quand on va au cinéma aujourd'hui, à quelque chose de plus que secondaire, on peut vraiment ressentir, comprendre des choses qui sont fondamentales. Oui, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il peut y avoir une bonne imitation, en fait, chez Platon ? Ou est-ce que l'imitation ne peut pas nous conduire au vrai ? Alors, bon, pour répondre aux deux questions, assez rapidement, sur la question de savoir s'il existe une bonne imitation, oui, ça c'est évident, il en existe, et en fait, on va être dans une présentation des arts, même mimétiques, alors peut-être pas dans la République, mais peut-être davantage dans les lois, quoique dans la République nous avons aussi des exemples, où on a un usage bien réglé de la poésie qui nous fait effectivement aimer le vrai, alors pas directement, il nous fait pas aimer le vrai directement, ou il nous fait pas voir, si vous voulez, ce que nous on imagine aussi à partir de la modernité, c'est-à-dire on voit l'invisible à travers l'œuvre d'art. Ben non, on voit pas l'invisible à travers l'œuvre d'art. On est habitué, nous dit Platon, au livre 2 et 3 de la République, à reconnaître progressivement des gestes, des inflexions de voix, des postures, des propriétés, si vous voulez, qui lorsque je me serais formé une opinion, me fait reconnaître effectivement la présence de quelque chose de rationnel dans l'imitation. Mais il faut que, dans l'imitation, préside une intention rationnelle. Et ça, c'est difficile. Et du coup, j'en viens à la première idée que l'imitation peut-elle nous conduire au vrai ? Est-ce que cette imitation peut nous mener au vrai ? Oui, mais seulement dans la mesure où l'artisan ou l'imitateur, puisque peut-être que la distinction va être ténue dans certains cas, l'artisan ou l'imitateur qui procède justement à la production d'un artefact ou même d'une œuvre d'art doit avoir une intention rationnelle, doit avoir un modèle rationnel et un modèle qui est indissociable de la pédagogie, en tout cas tel que l'envisage Platon dans la Cité idéale. Reste à savoir comment on remonte jusqu'à l'idée de quoi que ce soit, comment on établit ces idées même, c'est le sujet de la plupart des dialogues de Platon, avant d'aller au lit avec Socrate et Alcibiade, un détour par Molière. Écoutez cet extrait du film d'Ariane Nouchkine, Molière justement, dans lequel celui-ci essaie d'argumenter sa place auprès du roi. Et vous nous direz ensuite si, dans la cité idéale telle que la dépeint Platon, Molière aurait une place. Ah ! Monsieur Molière, on me dit beaucoup de mal de votre pièce, monsieur. je supplie votre majesté de s'éclairer elle-même sur cette matière. Car il est très assuré, sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire de comédie si les Tartuffes ont l'avantage. Qu'ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume. J'entends. Voulez-vous écouter la musique des eaux que me conseille monsieur l'architecte? Monsieur Lully, faites faire silence à vos trompettes et timbales. Eh bien, monsieur mon frère, que pensez-vous de cela? Sire, je pense que monsieur l'architecte... Et vous, monsieur Molière? Je pense, sire, qu'un roi favorisé de la terre et des cieux est le seul capable d'arbitrer ce litige qui survient entre la nature et les muses. Eh bien, nous allons favoriser les muses. Monsieur Lully, nous souhaitons que monsieur Molière et vous-même œuvriez ensemble à un divertissement, au plus tôt. Et pour ma pièce, sire, que puis-je attendre? Ne craignez rien. Nous aimons votre talent, monsieur. Et on aime le vôtre, Olivier Renaud. Merci d'être avec nous ce matin sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Lorsque Molière tente de convaincre le roi de se faire lui-même un avis sur sa dernière pièce, largement décriée par le reste de la cour, en réalité, il s'inscrit non seulement dans la perspective ouverte par Platon, mais il lui-même perpétue cette attitude et cette question qu'on retrouve encore aujourd'hui. La place des arts dans la cité, pour employer un terme antique, se pose de manière parfois très urgente. On pense à Bolsonaro qui a voulu faire imploser, disait-il, le ministère de la Culture dans son pays. C'est quelque chose de très contemporain aussi. Oui, alors l'extrait est à la fois dans une tradition platonicienne, au sens où on entend dans cet extrait Molière critiquer les Tartuffes qui sont tous au chevet justement du roi. En ce sens-là, oui, bien sûr, il y a bien quelque chose qui est très platonicien, une forme de connaissance qui est aussi un conseil sur un avis éclairé d'un souverain, c'est-à-dire avec une dimension politique. Et également pédagogique. Là où, évidemment, ça n'est pas du tout platonicien, c'est, dans l'extrait qu'on a entendu, la manière dont la nature et les arts sont mis en opposition et où il va falloir, disons, trancher un litige qui pourrait exister entre la nature, d'une part, la fucis en grec, d'une part, et puis les arts, d'autre part. À supposer, bien sûr, qu'on puisse parler d'art en général dans l'Antiquité, à l'époque de Platon. Même s'il n'y a pas d'art pour l'art dans l'Antiquité, et c'est la raison pour laquelle Platon ne peut pas envisager l'art indépendamment de sa fonction politique et pédagogique. Ce qui, peut-être, dans l'extrait, est moins évident de ce qu'on vient d'entendre à propos de Molière. Donc Molière, non, je pense qu'il n'aurait pas une place facile, en tout cas, dans la cité platonicienne. Il est la preuve, en tout cas, que à travers la création artistique, ce détour par la fiction est parfois la meilleure façon de dire la vérité sur ce qui est. Oui, ça c'est vrai, que même Platon, le détour, en tout cas le détour par l'image, les détours par les modèles, par les paradigmes, par les mythes, seconde, mais c'est ça qui est contradictoire, voire aide un argument à arriver en fait à son terme lorsque les capacités rationnelles des individus sont mises en défaut. Sans cesse dans les dialogues platoniciens, le recours au mythe est quasi permanent. Est-ce que c'est l'aveu de la défaite de la raison ou finalement une contradiction avec sa position qui consiste à condamner ce qui n'est pas du rationnel, ce qui ne relève pas de la connaissance? Oui, je pense qu'il faut plutôt en fait pencher vers l'idée d'une rationalité qui est peut-être plus étendue et plus variée que ce que nous imaginons. C'est-à-dire que chez Platon, et on en parlait juste avant le début de l'émission, il y a quelque chose, et notamment dans cet exemple de l'idée du lit, qui relève de parfois de l'association d'idées, et les psychanalystes ne s'y sont pas trompés en lisant Platon non plus. Donc prendre l'exemple du lit, c'est évidemment poser une image qui est très étrange d'abord, parce que l'exemple est étrange, mais aussi c'est faire appel en fait à l'imagination à la fois du lecteur ou des interlocuteurs du dialogue pour justement essayer de montrer à travers cet argument qui est quand même relativement technique, c'est un argument ontologique qui distingue plusieurs niveaux de réalité. Ouais. Bon, en prenant l'exemple du lit, on essaie de montrer en fait en quoi l'imitateur, le peintre ou le poète peut finir par représenter un danger pour la cité tout entière. Et si c'est un danger, c'est parce que Socrate sait bien à quel point il est puissant. Exactement, et c'est une image tellement puissante, celle du lit, c'est celle-là qu'il prend au livre 10 de la République. Alors pourquoi le lit d'ailleurs ? Et pas n'importe quel. Alors pourquoi le lit ? Donc je me suis évidemment posé la question. La réponse immédiate que, à mon avis, on doit faire, c'est une réponse d'abord contextuelle qui concerne la République. Au début de la République, lorsqu'il s'agit d'élaborer la cité idéale, on construit une cité à travers les besoins qu'elle a. On a besoin d'artisans, on a besoin de d'agriculteurs, de certains producteurs comme des cordonniers, éventuellement des menuisiers, etc. Et donc c'est à la fin du livre 2, en 392, on dit et puis par-dessus le marché, on aura aussi besoin, lorsque les gens feront des repas en commun, de lits et de tables pour que chacun soit bien installé à la table du banquet. Mmh. On aura besoin de lits et de tables. Donc, on aura besoin de menuisiers, on aura besoin de tous ceux qui, justement, fabriquent ces objets de la vie pourtant ordinaire. Mais pourquoi ? Pour produire, pour l'ensemble de ces proto-citoyens de la cité, un peu parvenu à la luxure de prendre plaisir à des repas en commun. Et donc le lit et les tables deviennent en fait des objets, enfin, ou des images qui sont assez vives de ce que représente le plaisir partagé en commun, pris à la discussion, au vin. Parce qu'à l'époque, on mangeait allongé. On mange allongé, donc vous êtes couché sur des lits, clinets en grec, avec des tables, trapezaï, où vous mettez un certain nombre de mets, de coupes à vin, etc. Et c'est à travers une disposition en fait des tables, en général en rectangle ou en carré, que vous allez commencer en fait les réjouissances. Donc c'est pas le lit où on dort, c'est le lit où on fait la fête. Et où on boit du vin, en particulier. Et plus si affinité, je vous propose qu'on se déplace du côté du banquet. On était dans la République, le banquet, à la fin du banquet. Voici la discussion entre Socrate et Alcibiade. Alcibiade est très attiré par Socrate et il l'attire dans sa couche, dans son lit. Et Socrate, contre toute attente, refuse les avances d'Alcibiade. Alors ce n'est pas simplement histoire de montrer que le lit est aussi le lieu de la tentation, c'est aussi, dans la philosophie platonicienne, un moment clé qui explique comment la conception qu'il se fait de l'amour et le rôle du corps dans cette consommation amoureuse est aussi une porte d'entrée vers sa philosophie. Écoutez le texte. La première fois que Socrate vint, il souhaita partir après avoir dîné. Alors j'eus honte et le laissai partir. Mais je fis une nouvelle tentative. Quand il eut fini de dîner, je prolongeai la conversation jusqu'à fort tard dans la nuit, et lorsqu'il souhaita s'en aller, je fis observer qu'il était tard, et je le forçai à rester. Socrate reposait donc sur le lit qui touchait le mien et où il avait dîné. Personne d'autre ne dormait dans la pièce que nous deux. Dès lors que la lampe fut éteinte et que les serviteurs furent partis, j'estimais qu'avec lui, il ne fallait pas y aller par quatre chemins, mais lui faire savoir, en toute liberté, ce que j'estimais avoir à lui faire savoir. Et, en le poussant, je lui dis « Socrate, tu dors ?»« Pas du tout. Sais-tu à quoi je pense ? À quoi donc, au juste ? Tu es un amant digne de moi, le seul qui le soit. Et je crois bien que tu hésites à m'en parler. Rien à mes yeux ne présente plus d'importance que de devenir le meilleur possible. Et j'imagine que dans cette voie, je ne puis trouver maître qui soit plus en mesure de m'aider que toi. Dès lors, ce serait tout à fait fou de ma part de renoncer à tes désirs. Et j'en serais vraiment honteux. Tu vois sans doute en moi une beauté inimaginable. Est bien différente de la grâce de ton aspect physique. Si tu entreprends de la partager avec moi et d'échanger beauté contre beauté, le profit que tu comptes faire à mes dépens n'est pas mince. À la place de l'apparence de la beauté, c'est la véritable beauté que tu entreprends d'acquérir. Et en réalité, tu troquerais du cuivre contre de l'or. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Le marchandage de la beauté par Socrate. Alors c'est passionnant, on a entendu d'abord un extrait donc du Banquet lu par Maëlys Ricordo et puis un extrait d'une fiction de France Culture, Le Banquet, qui a été intégralement lu et joué en 2010, toujours sur France Culture, qui nous permet d'entendre, alors j'ai dit que ils étaient dans la même couche, Socrate et Alcibiade. Je crois qu'au moment où on entend l'extrait, c'est pas encore le cas. Tout l'enjeu est de savoir si Socrate valait dans la couche d'Alcibiade. Et en tout cas, celui-ci, pour répondre aux avances d'Alcibiade, dit bien, tu me proposes d'échanger beauté contre beauté, la beauté de ton corps contre la beauté de mon âme, puisque Socrate était notoirement laid, et Alcibiade n'était pas reconnu pour sa beauté intellectuelle. Il lui dit, c'est un marchandage, en fait, dans lequel tu serais sans doute gagnant. Alors, essayons de voir, est-ce qu'on peut troquer l'apparence de la beauté contre la véritable beauté? Je crois qu'en fait, non, c'est justement parce que tu serais perdant, que tu crois que c'est une bonne idée. Comment est-ce que, aidez-nous à comprendre, Olivier Renaud, comment est-ce que ces avances sexuelles qui se passent sur un lit, sur une couche, sont-elles l'occasion pour Socrate de définir ce qu'est la beauté, de définir ce qu'est l'amour et puis de répondre en termes de marchandage quand même? Oui, c'est effectivement dans ce lit que sont évoquées toutes ces notions absolument clés de la philosophie platonicienne ou ce qu'on appelle plus particulièrement l'érotique platonicienne. Alors, je veux pas non plus exagérer l'importance de ce lit, enfin de cet objet comme lieu justement d'échange, mais malgré tout, ça explique aussi peut-être la prégnance en fait de ce modèle, y compris dans République 10. Alors, dans le banquet, qu'est-ce qui se passe? Le contexte du banquet est le suivant, le banquet, le dialogue, vous avez un ensemble de convives qui sont installés justement sur des lits, et puis ils font des chacun leur tour, ses interlocuteurs, des éloges d'Eros, en tout cas autant qu'ils le peuvent, en se disant qu'ils avaient trop bu la veille et qu'ils vont essayer de mettre en pratique leur capacité rationnelle plutôt que leur capacité à boire. Sur c'est un dialogue de gueule de bois, hein, le banquet. Exactement. Dans ce contexte de banquet et d'éloge d'Eros, Alcibiade arrive complètement ivre au moment du discours de Socrate, en tout cas à la fin du discours de Socrate, et justement lui fait une scène de jalousie. En essayant de se mettre à côté de Socrate alors qu'il voit Agathon qui essaye justement de séduire ce dernier. Et c'est dans ce contexte précis, lorsque Alcibiade raconte justement ce qui lui est arrivé avec Socrate, que se situe l'extrait que nous avons entendu. Alors, dans ce lit, que se passe-t-il? Il se passe que Alcibiade, qui est un héromène, c'est-à-dire un aimé, qui est normalement la personne qui est plus jeune dans la relation dite pédérastique, est, disons, tenu d'accorder ses faveurs sexuelles à l'amant ou l'éraste, qui lui est plus vieux et qui est censé justement produire ou transmettre un ensemble de savoirs, de protection, de richesse à son aimé. Bien entendu, la relation d'Éraste à Éromène entre Socrate et Alcibiade ne se passe pas du tout comme Alcibiade l'avait prévu. Et Socrate, non seulement n'est pas du tout intéressé par les gratifications sexuelles d'Alcibiade, qui pourtant, on le sait, était magnifique, très beau, etc., n'est pas du tout intéressé. En tout cas, fait l'objet d'une maîtrise de lui-même absolument remarquable, hein, de son corps, et finalement le dédaigne, comme si ce dédain d'Alcibiade allait permettre à ce dernier de prendre conscience que le corps n'est pas la finalité que doit poursuivre cette relation érotique. C'est la raison pour laquelle Alcibiade dit qu'il a honte. Il a honte, il n'a pas honte de son corps, c'est pas ça, mais il a honte d'avoir, disons, focalisé un ensemble d'intérêts et de désirs sur justement ce qui relève du sensible, du corporel, de l'amour du peuple, de l'amour des honneurs, de l'amour des richesses, etc. Et cela, seulement Socrate était capable de lui montrer que la véritable beauté, de fait, ne résidait pas dans un échange de flux corporel dont le lit pourrait être le lieu. Pas du tout. Ce qui rejoint l'analyse que vous avez proposée des trois lits avec le texte qui était situé en début d'émission, puisque finalement ce que Socrate montre, c'est que le corps... Alors, jusqu'où la comparaison entre le corps humain et le lit fabriqué tient, c'est toute la question. Mais le corps n'est pas une fin en soi, n'est pas le lieu de la vérité ni même de l'amour. Que l'amour se situe du côté de l'idée, donc il y a une forme d'ascension à opérer à partir du désir d'un corps vers le désir de l'idée pour aller vers la vraie philosophie telle que Platon l'entend. Oui, alors, bon, peut-être qu'avant de parler d'ascension, il va falloir d'abord parler d'une forme de maîtrise. Et c'est amusant hein, d'entendre dans l'extrait qu'on a entendu... Et on a ces espèces de répliques tous en tête hein, quand la personne qui est à côté de soi dans le lit dit tu dors, bon bah non, un lit effectivement c'est fait pour dormir, et quand il est pas fait pour dormir on demande tu dors pour dire, et précisément l'inverse, que non, on est trop occupé en esprit pour pouvoir trouver le sommeil. Et de fait Socrate, même lui hein, ne dort pas. Et c'est assez amusant de voir aussi qu'à la fin du banquet, Socrate est le personnage qui, d'abord, est le seul qui ne dort pas, qui est resté éveillé tout au long du banquet, alors que tous les autres convives sont probablement affalés sur leur couche et se sont remis probablement à boire. Donc tous sont endormis. Socrate, lui, veille, et il veille sans arrêt. Et ça nous est confirmé d'ailleurs dans l'éloge qu'Alcibiade produit de lui lorsque Socrate est à la guerre. Donc il veille, non pas qu'il ne dort pas jamais, hein, mais en tout cas il est toujours en alerte, toujours en éveil. Et en fait cet éveil est aussi une forme, une sobriété, alors qu'il est capable pourtant de boire de grandes quantités de vin, comme on nous le dit. Donc en fait cet éveil, si vous voulez, est une image de... la manière dont Socrate a parfaitement vu là où il fallait effectivement porter son amour, enfin, c'est-à-dire vers le savoir. C'est ça, mais alors, on se dit, ce qui compte dans le lit, c'est l'idée du lit, ce qui compte dans l'amour, c'est le savoir. Au fond, tout converge vers une forme d'éloge de la philosophie. Mais là, on pourrait se dire, au bout de 43 minutes de discussion, que vivre selon Platon, c'est pas très drôle. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment aride, c'est très exigeant. On ne vit que selon le règne de la connaissance et de l'idée. Est-ce qu'on peut trouver aussi une forme de joie, de plaisir et de sensualité dans le registre de l'idée ? Alors, qu'il y ait du plaisir dans le registre de l'idée, ça c'est évident, et Platon n'arrête pas de dire que le plus grand bonheur ne sera atteint que dans la mesure où je serai au contact avec les idées intelligibles ou avec les formes intelligibles. Lorsqu'on lit le mythe central du Phèdre de Platon, où Socrate raconte la destinée des âmes ailées et lorsqu'elles accomplissent un voyage au-dessus de la Terre, et elles sont au contact des idées, elles se repaissent de leur vue. Et cette contemplation est le plus grand bonheur qui puisse arriver à une âme. Donc ça, c'est une chose, c'est une première chose, que le plus grand plaisir, en fait, il soit mesuré à l'aune de la contemplation que j'ai pu avoir des idées. Là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est si difficile à imaginer d'avoir un plaisir pris au savoir et à la contemplation? Peut-être pas tant que ça, dans la mesure où si on reprend par exemple l'idée très ordinaire du lit, est-ce que on peut imaginer qu'il y ait un savoir, disons, plus concret que celui d'avoir appris quelque chose et pouvoir le refaire? Par exemple, fabriquer quelque chose, fabriquer un lit, lorsque j'en suis capable, lorsque mes capacités de menuisier m'ont permis justement de ne pas faire l'erreur de prendre la mauvaise essence de bois ou d'avoir mal tendu les sangles de cuir entre les différents montants, etc., etc. D'ailleurs, et c'est un passage qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais dans le chant 23 de l'Odyssée, c'est la grande fierté d'Ulysse lorsqu'il raconte comment il a fabriqué son lit, qui est le signe de reconnaissance qu'il utilise pour se faire reconnaître par Pénélope, justement, enfin que Pénélope utilise pour être sûr qu'il s'agit bien d'Ulysse. Ulysse raconte par le menu, en plus de 30 vers, comment il a fabriqué minutieusement, à partir d'une souche d'olivier, un lit absolument inamovible et avec des capacités, toutes simples, d'artisan, fabricateur d'un lit nuptial à partir duquel il a construit toute sa maison. C'est un passage extraordinaire dans l'Odyssée d'Homère. Oui. Vous pensez que Platon l'avait en tête? Alors, il a probablement en tête ce passage dans la mesure où, en tout cas pour une partie, dans la mesure où Ulysse dit « je suis le seul à connaître le secret de fabrication du lit ». Alors, évidemment, c'est ce lit en particulier, c'est pas la forme du lit. On imagine qu'Ulysse est capable de fabriquer n'importe quel lit. On l'a vu dans d'autres chants de l'Odyssée fabriquer des radeaux avec des rondins et de la corde. Donc il a des capacités de menuisier sans doute. Mais en tout cas, il raconte à Pénélope comment il est le seul à disposer du secret de ce lit qu'il a fabriqué. Et en ce sens, enfin, il dit, il y a un vers très important dans ce passage où il dit à Pénélope, Seuls les dieux peuvent connaître la manière dont, à partir de la racine Rizet de ce bois d'olivier, j'ai fabriqué et monté l'ensemble des montants du lit. Et Platon, dans la République, dans le livre 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Que seul un démiurge, seul une forme d'artisan idéal, qui est le dieu fabricateur de toutes les formes, est capable de connaître, enfin en tout cas, a en tête, justement, ce que c'est qu'un vrai lit. Alors, sans doute aussi, le philosophe pourra attraper une partie de cette forme du lit par la contemplation qu'il en a. Mais sinon, c'est le dieu seul qui en connaît le secret. Celui-ci serait donc Ulysse. En un certain sens, le savoir d'Ulysse, en tout cas celui qu'il déploie dans la scène de reconnaissance avec Pénélope, n'est finalement peut-être pas très éloigné, et c'est quand même pas un hasard s'il s'agit de l'exemple du lit, du savoir que le dieu qui est appelé ensuite, dans l'argument de République 10, le divin planteur, le dieu connaît à propos des lits, des plantes, des racines, tout ça. Il nous reste très peu de temps, une minute, Olivier Renaud, avant la fin de cette discussion. Évoquons quand même une autre fonction du lit dans les dialogues platoniciens, car elle est tout aussi décisive. C'est le lit sur lequel Socrate se couche au moment de boire la ciguë, et c'est le lit sur lequel son corps va se raidir et sur lequel il va perdre la vie en prononçant c'est la dernière phrase, apporter un coq à, nous devons un coq à Esculape. Et c'est finalement sur un lit, comme beaucoup d'entre nous, que Socrate finit sa vie. Est-ce que c'est un retour à une forme d'ordinarité, justement, de son existence? Comment est-ce que vous l'interprétez? Alors c'est vrai que... C'est le dialogue du Phédon, je l'ai pas précisé. Voilà, dans le Phédon, qui relate les derniers moments de Socrate, en tout cas la dernière discussion qu'il va avoir avec ses proches amis, sauf Platon qui était malade, mais qui en rapporte le dialogue. Le lit, bon, est présent, bon, c'est pas une forme si importante que ça, mais malgré tout, c'est une présence que... discrète, mais qui pour moi a une certaine importance. Au début du dialogue, Socrate se redresse sur son lit et commence à se gratter et commence à engager la discussion sur le plaisir et la douleur et la manière dont plaisir et douleur vont ensemble systématiquement. En tout cas, l'une à la suite de l'autre et peut-être même ensemble. Et finalement, cette façon d'être rappelé à l'exigence du corps, enfin l'exigence condamnable du corps, parce que c'est le corps qui nous empêche de penser, et cette façon qu'a Socrate de se redresser sur son lit et justement de ne pas s'y apitoyer comme tous les amis du corps sur leur lit de mort, ben c'est une façon justement de rester en éveil comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc quand on ne peut plus lutter contre justement ce corps, quand Socrate a bu la ciguë, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la peine de lutter non plus. Et Socrate met un point d'honneur à se mettre dans la bonne position, c'est-à-dire à s'allonger, de telle manière que le poison de la ciguë puisse irradier la totalité de ses membres et puisse faire son effet. Et c'est pas du tout un abandon au corps, c'est pas du tout non plus un retour à l'ordinaire. Non, je crois pas. C'est vraiment la meilleure manière dont Socrate va pouvoir dire que la philosophie, c'est un exercice de séparation d'avec le corps. Merci Olivier Renaud. Merci Adèle Vendre. Ce sera la conclusion de cette émission. Et n'oublions pas, nous sommes lundi. Enfin, c'est lundi, il est presque 11h. C'est donc l'heure de Jess Garon qui lui aussi passe du temps au lit. C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, mal dormi, envie de pipi, déjeuner, mon café, ta radio, trop c'est trop, fait pas beau, ouais, fait pas chaud, me laver, me raser, m'habiller, me peigner, mes cheveux, bien coiffé, ouais, les midis, mes parents sont rentrés en criant, faut manger après travailler, ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé, potier moué. Dans mon cœur, il y a plein de douleurs. Ouais, juste après, je m'en vais. Un café, d'à côté. Ouais, il y a des filles, il y a des flippers. Ouais, les 20h, c'est dîner. Allez, on reste lié avec Jess Garon, mais on y accueille Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver à ce micro. Moi aussi. Et justement, vous allez nous parler de ces dernières semaines sans radio. Oui, et peut-être des jours à venir. Je voulais effectivement vous parler de ces journées sans travail, sans école, sans transport. Une journée comme aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Voilà, vous l'avez compris, je voulais vous parler de la grève. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'en vivre plusieurs. En 1995, mais je n'en ai aucun souvenir. En 2006, à l'université, avec les mouvements anti-CPE. En 2015, ici même à Radio France. Et évidemment, d'autres journées de grève parsemé par-ci, par-là. Et je dois dire qu'à chaque fois que je m'en souviens, la grève a toujours eu un côté excitant. Enfin, des journées différentes. Mais quelle différence au fond? Qu'est-ce que ça fait de ne pas travailler, de ne rien faire? Qu'est-ce que ça fait, la grève? Un mouvement très suivi en France et quelques tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Tel est le bilan de la journée de mobilisation du 5 décembre. Avec au moins 806 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 1,5 million selon les syndicats, l'appel à la grève n'a pas souffert du froid hivernal. Quand on parle de grève, on pense tout de suite à ce genre de reportage un peu dramatisant. On parle de paralysie, de colère ou encore de ce mot si mal choisi, de prise en otage. Pourtant, je crois qu'il y a autre chose. La grève n'est pas que le signe de la rancœur ou de l'inquiétude et elle ne provoque pas que du mécontentement. Elle n'est pas forcément une mobilisation unanime, forte, cohérente et elle n'est pas non plus à l'inverse que rejet ou critique. Pour ma part, j'ai souvent eu l'impression d'être à côté de la plaque, ni mécontente, ni engagée, comme si ce qui était en jeu me dépassait. Il n'y a aucune sagesse là-dedans, ni une absence de conscience politique. Tocqueville, et bien d'autres d'ailleurs, y verraient la preuve de l'individualisme et de l'apathie politique en temps démocratique. Il y a effectivement un peu de cela, peut-être, mais pas que, car la grève ne fait jamais rien non plus, même à ceux qui n'en disent rien ou n'en font rien. Mais alors, que fait-elle? Que fait-elle en dehors de ses effets frappants, éclatants, clivants, de ses actions coup de poing et de ses énervements? On le dit peu, mais la grève, c'est-à-dire la cessation du travail, volontaire ou non, même quand on n'en fait rien, qu'on décide de la subir ou de la suivre de loin, n'a rien de, de l'arrêt brutal de toute activité. Il reste toujours quelque chose, il se passe toujours quelque chose, mais quoi? Civil, ton plan, on n'en veut pas. Civil, ton plan, on n'en veut pas. Veuillez ne pas nous excuser de la gêne occasionnée. Radio Dedans Dehors, la radio faite par des grévistes. Qu'est-ce que ça fait de venir au travail pour ne pas travailler ou différemment? De rester un jour de la semaine chez soi. À quoi ressemblent les rues un mardi après-midi? Qu'est-ce que ça fait d'allumer la radio le matin et d'entendre de la musique, d'être interrompu dans une routine? Qu'est-ce que ça fait de décider de regarder un film ou de rester devant la télé le matin? Qu'est-ce que ça fait de se doucher, de prendre un café, sans se dire que l'on a telle ou telle chose à faire ensuite? Et qu'est-ce que ça fait aussi, et surtout par exemple, de faire des réunions où l'on ne parle pas de travail, c'est-à-dire de ce que l'on a à faire dans les heures ou dans les jours qui viennent, mais de ce que l'on pense du travail, de son travail, des conditions de travail, de ce que l'on attend du travail, et pas qu'en termes financiers, mais aussi éthiques ou philosophiques? Qu'est-ce que ça fait de laisser tout en plan, de reporter, de décaler, de différer, d'être là, au travail, présent, mais sans rien de ce qui constitue le quotidien, sans la matière qui remplit nos horaires? Dans des textes écrits lors des grèves de 1936, Simone Veil évoquait la joie qu'il y a à redécouvrir son travail sans le bruit des machines, sans hiérarchie, sans horaire. Et si la grève n'était pas que paralysie ou action politique, mais ça aussi, si elle nous révélait des choses, des personnes ou des manières d'être ou de faire, d'occuper le temps auquel on ne prêtait jamais attention. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués, les laissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Je crois que la grève ne révèle pas des choses, des attitudes, des situations inattendues, mais des choses déjà là. Ce qu'on croyait supporter, des personnes ou des situations, nous apparaît en fait insupportable. Ou à l'inverse, CEUX ou celles qu'on croyait insupportables, on se dit qu'on pourrait les voir autrement et finalement les accepter. On se rend compte de ce qui compte ou pas. Je crois en fait que la grève, c'est comme l'alcool, ça ne rend pas les gens et les choses différentes, ça les montre juste telles quelles. La grève ne transforme pas nos journées, nos comportements, nos trajets, elle nous les montre sous un jour extraordinaire, littéralement. L'impression d'être libre et de pouvoir tout à coup un temps interroger ce que l'on fait tous les jours sans trop se poser de questions. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo et n'oublions pas, la grève continue à Radio France. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Journa, en compagnie de Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi. À la lecture des textes, Maëlys Ricordeau. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine au lit, tranquille. Au lit pour vous, vous vous restez au lit. Si vous le pouvez, nous, on vous parle du lit. Demain, on sera en compagnie du philosophe Éric Fiat. On parlera du lit d'hôpital, la pudeur sous perfusion. Ce sera sujet de l'émission demain à 10h. D'ici là, pour écouter celle-ci sur Platon et les trois idées du lit, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster. Le podcast n'est pas en grève. Comme ça, vous pourrez la réécouter où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez. Au lit, par exemple, ça marche très bien. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h, donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.